L'ombre sort de la tombe. Thor Hepen et Lantok avaient disparu quand Nugiznu n'était pas encore revenu de sa surprise. Jamais elle n'avait encore vu au jeune capitaine une figure tourmentée, une démarche désordonnée, trahissant une émotion aussi profonde. Venu de Plougasnou, comme cela lui arrivait souvent, pour rendre visite à des amis de Saint-Jean-du-Doigt, elle avait voulu prier un moment devant la chapelle de Saint-Jean. Le hasard, en la retardant de quelques instants, l'avait seul empêchée de rencontrer le corsaire et son maître d'équipage dans l'église. Et il s'en était fallu de bien peu que Thor Hepen n'eût sous les yeux, en réalité, ce qu'il s'était seulement figuré par l'imagination, Anne priant pour lui. Elle sortait quand, subitement, au moment où elle se retournait, la silhouette des deux hommes courbés à demi vers le sol et occupés à leur étrange opération de nettoyage d'une tombe dans cet angle méprisé du cimetière où personne ne s'arrêtait jamais, attira ses regards. Et elle avait assisté à leur départ précipité, après un geste brusque du plus jeune, une exclamation qui ne parvint pas jusqu'à elle. Ils passèrent comme chassés par un vent de tempête au ras même du porche ombreux sous lequel elle se tenait. Elle eut ce léger cri qu'il n'entendit pas. Lui ! Elle l'avait reconnu. L'élan de son cœur la précipitait vers lui. Déjà, il était loin. Elle les distingua encore comme fuyant, tant ils allaient vite, et ils s'effacèrent dans la direction du Dounan et de la sente ramenant à Plougasnou. Une seconde, elle demeura atterrée. Qui avait-il ? Malgré elle, ses regards couraient là-bas, derrière la chapelle funéraire, vers l'angle désolé et sauvage. Une hésitation la retenait sous le porche, comme en un refuge qu'elle ne quitterait pas sans péril. « Je suis folle, songea-t-elle. De quoi avoir peur ? Que peuvent contre moi, contre mon bonheur, les pauvres morts qui reposent ici ? Même ceux de cette partie du cimetière où nul ne va jamais. Les abandonnés me connaissent et savent ce que j'ai toujours été pour eux. Ils doivent m'aimer comme je les aime. » Surmontant cette résistance intime, elle marcha droit vers le point où tout à l'heure les deux marins paraissaient si absorbés dans leur contemplation, se disant « Là, peut-être, je découvrirai le secret de son agitation. » Débarrassée maintenant des herbes et des ronces qu'il avait si longtemps enserrées de leur étreinte comme pour la faire disparaître de ce sol sacré, la dalle mise à nu étalait son inscription en relief dans sa netteté primitive. Anne Guiznou, comme l'avait fait le corsaire et son compagnon, se pencha à son tour et lut, déchiffrant longuement, en même temps qu'une sueur légère perlait à ses tempes et que l'angoisse contractait sa poitrine, « Sigil le corps de Antoine Guiznou, décédé le 8 octobre 1794. Requiescat in pace. » Guiznou, Antoine Guiznou, Antoine. Oui, c'est bien ce prénom. Elle poussa un cri, se rejetant en arrière, les deux mains portées à son front dans un geste d'affolement. « Madoué, mais c'est mon oncle, le frère de mon père. » Jamais je n'avais vu sa tombe, pas même su qu'elle fût là. Le coin du maudit. Pourquoi, Seigneur, pourquoi le maudit serait-ce lui ? Dans les ténèbres de ses souvenirs, il se faisait comme une lueur, très petite encore, à l'aide de laquelle elle cherchait à comprendre, essayait de se souvenir, de rapprocher les uns des autres les mille petits faits, les mille petites phrases prononcées çà et là devant elle, sans qu'elle y attachât d'importance, sans qu'elle les comprît et même les écoutât, dans l'innocence et l'ignorance toujours respectées de son âme. Des colères de son père lui revenaient plus nettes pour ce qu'il appelait, selon son expression favorite, la mauvaise race, la branche maudite. De qui aurait-il voulu parler si ce n'était de ce Guiznou de Saint-Jean-du-Doigt ? Car elle n'ignorait pas que son père avait eu un frère plus jeune que lui, du nom d'Antoine, disparu depuis longtemps, si longtemps qu'elle n'avait jamais pu le connaître. Elle relut la date, 8 octobre 1794, et s'affirma, calculant. « Je venais de naître. J'avais un an à peine. » Parfois, on avait parlé de lui devant elle, mais à mots si couverts, d'une façon si obscure, si pleine de restrictions, qu'elle n'avait jamais eu de réelle certitude et qu'elle avait fini par s'imaginer qu'elle se trompait. La tombe était là, réelle, implacable, en son lieu d'infamie, avec son inscription. Le Guisnou de Saint-Jean-du-Doigt avait existé. Son corps gisait sous cette pierre, dans ce coin du cimetière de Saint-Jean, qu'elle avait toujours vu considérer comme un endroit de malédiction et de honte. On l'avait appelé si souvent devant elle le coin du renégat, le coin du maudit, que jamais, elle, la vigilante protectrice des pauvres sépultures abandonnées, elle qui avait porté tant de fleurs aux morts oubliés et inconnus, elle n'avait pu se résoudre à y aller. Était-ce donc à Antoine Guisnou que s'appliquaient ces mots terribles qui sous-entendaient des choses vagues, ignorées d'elle, dont l'énigme la terrifiait? Antoine Guisnou, le frère de mon père. Oui, ce prénom d'Antoine, je l'ai entendu parfois prononcer, et toujours suivi d'anathème, soit par mon père, soit par mes frères. C'est bien mon oncle. La pensée de ses frères la ramena du même coup au corsaire, et sa stupeur s'accrut. Que pouvait-il faire là, lui, Thor Heppen, et pourquoi cette émotion? Du trouble l'envahit. Une mystérieuse pudeur souleva tout son sang comme une vague, lui en jetant la pourpre au visage. Elle se cacha la figure, comme si on eût pu la voir se débattre au milieu de toutes ces réflexions dont elle se sentait fouettée, assaillie comme par les ailes de ténèbres d'un vol innombrable de sombres chauves-souris. À cause de moi, peut-être, à cause du nom? Et lui, alors que j'ignore, il sait peut-être, il connaît quelque secret d'horreur concernant celui qui dort sous cette pierre? Si cela était, oh, je mourrais de honte et de désespoir! Elle essaya de se défendre, de se ressaisir. Mais non, c'est impossible. Il est trop juste, trop bon, trop généreux pour faire retomber sur une malheureuse innocente ce dont elle ne saurait être coupable. Comment me rendrait-il responsable? Tout son cœur se noyait de douceur et d'une tendresse désolée à mesure qu'elle évoquait l'image de celui auquel elle se sentait de plus en plus appartenir, à mesure qu'elle s'énumérait, pour la joie de son âme, ses qualités et qu'elle revoyait la fierté de ses traits, l'éclair hardi et pénétrant de ses yeux, la noblesse éclatante de son attitude. Mes frères, c'est à cause de mes frères plutôt. Il aura eu honte à cause de ce nom semblable, car il ne peut connaître notre parenté, et peut-être craint-il que cela ne lui porte malheur à lui et à son équipage. Oui, c'est cela, Madoué. Quelle tristesse pour eux, pour nous. Elle avait été si heureuse de savoir qu'ils allaient devenir les compagnons de celui qu'elle admirait entre tous. Et ce n'était pas elle seulement, mais tout Plougasnou qui avait applaudi à la vaillante décision prise par Alain, Hervé et Yves Guisnou. On y avait vu un réveil de la race, l'indication qu'ils étaient bien du sang héroïque des seigneurs d'autrefois. L'orgueil de chacun s'y était retrempé et Anne, malgré les craintes qu'elle pouvait avoir à les savoir exposés désormais au double péril de la mer et de la guerre, s'était sentie fière d'eux, comme s'ils eussent fait un effort vers la gloire du passé. Thor Heppen allait-il désormais les renier, refuser de garder à son bord ceux qui portaient le même nom que cet inconnu dont il avait découvert le tombeau dans le coin du maudit? Longtemps, elle demeura là, harcelée par ses pensées, oubliant tout. Déjà plusieurs personnes traversant le cimetière ou venant prendre de l'eau à la fontaine avaient pu remarquer sa présence en cet endroit où nul ne s'arrêtait jamais. À un moment où elle soupirait avec un déchirement profond, « Antoine Guisnou !» Une voix cassée chevrota derrière elle. « Tu pries pour ton oncle ?»« Ah ah, c'est bien, petite. Il a besoin de prière. » Son oncle. Ainsi c'était bien lui. Antoine Guisnou était bien son oncle comme elle l'avait deviné. Quelqu'un était là, tout près, qui la connaissait et qui savait, affirmait sa parenté. Sa sensation de honte fut telle, en cet instant, qu'elle eût voulu s'engloutir subitement sous terre, disparaître elle-même en ce lieu maudit, au fond de cette tombe d'où montait une ombre si épaisse. Le chevrotement reprit, mi-apitoyé, mi-ironique. « Une bonne fille que tu es à cette heure !» Mais il y a longtemps, bien longtemps qu'il attend, là-bas où il est. » Un bâton frappait le sol à petits coups cadencés, comme pour indiquer les profondeurs insoupçonnées et troublantes du sombre royaume où devait se trouver celui dont on parlait ainsi. Anne frissonna de la tête aux pieds. « Tu ne me connais donc pas, ma fille ?» Lentement, la jeune fille tourna la tête, sans cesser de joindre les doigts, comme si elle se fût attendue à quelque apparition surnaturelle. Appuyée des deux mains sur une canne à béquilles dont ses doigts maigres enveloppaient étroitement la traverse supérieure comme des serres d'oiseaux de proie, une très petite vieille, un peu courbée, le dos rond, la tête branlante sous sa coiffe blanche, relevait vers Anne Guisnou une extraordinaire figure, plissée, ravinée, sous le menton de laquelle s'allongeaient des fanons qui se perdaient dans la gorgerette et d'où jaillissait à travers de grosses lunettes rondes l'éclair de deux yeux noirs, restés vifs et aigus dans la décrépitude du visage sous d'épais sourcils blancs. Des cheveux du même blanc cotonneux étaient soigneusement lissés en bandeaux et tranchaient sur la teinte jaune et brunâtre du front coupé de rides profondes. « Tinaïque ! Hé hé, me v'là contente que tu me reconnaisses tout de même ! Tinaïque Cornou !» Il y avait de l'effroi, plus encore que de l'étonnement, dans l'intonation avec laquelle la jeune fille prononçait ce nom. C'était en effet toujours avec le plus grand soin qu'elle avait, jusqu'à ce jour, évité même de se trouver sur le passage de cette Tinaïque Cornou qu'elle connaissait de vue, dont elle avait entendu parler maintes et maintes fois, mais à laquelle elle n'avait jamais adressé la parole et dont la réputation suspecte, à bien des titres, était pour elle un sujet de vague et instinctive terreur. En ce moment, plus encore que jamais, de se trouver surprise par elle dans ce lieu de renommée maudite, elle sentit son sang se glacer et ne sut que répondre. La vieille la regardait toujours, semblant vouloir pénétrer jusqu'au fond de sa pensée, lui arracher le secret du motif qui l'avait amenée là sur la tombe de son oncle, et une expression légèrement railleuse se mêlait à l'âpre curiosité qui luisait dans les prunelles fixes d'une acuité gênante à force d'intensité. Un secret pressentiment la poussait à s'éloigner après quelques réponses plus ou moins banales qui eût peut-être satisfait celle qui la questionnait. Mais elle n'en trouva pas la force, conservant son geste d'imploration dans l'espoir d'attendrir Tinaïque Cornou. Tandis qu'elle demeurait silencieuse et frissonnante, Tinaïque se rapprocha encore, heurta la tombe de son bâton et poursuivit de cet accent un peu sarcastique que voilait une brume de mélancolie. « Tiens, tiens, c'est toi qui as fait ce joli ouvrage ? Débarrasser la pauvre pierre des ronces et des chardons sous laquelle elle avait si absolument disparu que nul ne pouvait exactement savoir où elle se trouvait, excepté moi ? Oui, je puis le dire. Personne ne venait jamais ici, en dehors de la vieille et fidèle Tinaïque, qui se souvient, elle, qui n'est pas une ingrate et à laquelle l'existence a appris beaucoup. Je sais du reste que tu es une bonne fille, petite reine en sabots, comme on t'appelle, et que tu aimes, là-bas, en ton plougasnou, à prendre soin des abandonnés, même des morts. Celui-ci en a plus besoin qu'un autre, que tous les autres, on peut le dire. » La répulsion instinctive qu'Anne Guisnou avait toujours éprouvée pour la vieille femme diminuait, malgré sa résistance intérieure, sous ces phrases dont la caresse lente finissait par l'amollir. S'était-elle trompée sur le compte de cette Tinaïque Cornou, et au fond, valait-elle mieux qu'on ne le lui avait dit ? En réalité, elle ne la connaissait que par tous les racontars qui couraient sur elle, et en avait fait une sorte d'être de ténèbres et de mystères, vivant en dehors de l'existence des autres êtres et en rapport, d'une manière énigmatique, avec les mauvais esprits. La vieille semblait lire ce qui se passait dans le cerveau de la jeune fille, car elle reprit vivement. « On m'appelle chez toi et partout la sorcière !» Anne frissonna avec un involontaire recul des épaules. Tinaïque éclata de rire. « Hé hé hé, j'ai deviné, je devine toujours !» Pauvre petite, sorcière, c'est cela qui t'effraie ? Pourquoi ? Est-ce qu'une méchante femme qui aurait les rapports qu'on me prête irait à l'église, dans les endroits consacrés au Seigneur, et oserait prier comme je le fais, plus souvent qu'on ne croit ? Elle branla un peu la tête, chevrotant avec son ricanement cassé. Sorcière, parce que je sais beaucoup du passé, parce que j'ai de la prévoyance pour l'avenir, parce que je dis des choses auxquelles personne ne pense et qui surprennent, et que je me suis amusée à prédire des choses qui sont arrivées. Mais me v'là en plein 80 ans au jour d'aujourd'hui, et j'ai assez vu, assez entendu, assez compris pour savoir mieux que les autres. Il faut bien que l'âge vous donne quelques joies et quelques privilèges. Troublée malgré son effroi, Anne parvint à protester faiblement. « Je ne vous ai jamais accusée, Tinaïque Cornou. »« Oui, je sais, tu en es incapable. Mais les autres t'ont dit, t'ont raconté sur moi des choses, n'est-ce pas ? La curiosité des êtres est si malveillante pour ceux qui ne vivent pas de la vie de tout le monde, pour ceux qui ont des idées différentes, ou tout simplement pour ceux que la méchanceté humaine a forcé à vivre à l'écart tout seul. On est des loups ou des sorciers. » Elle soupira. Pas un crime pourtant la solitude. On peut penser, réfléchir à l'aise, ne pas souffrir des contacts qui blessent, des mots qui tuent. C'est vrai, je vis à l'écart, là-bas, dans ce pauvre trou de la falaise, près de la grève, qu'ils appellent ma tanière de bêtes sauvages. Je suis absolument isolée en face de la mer, avec laquelle je cause, ma seule amie. Autrefois, on savait souvent aller m'y chercher, quand il s'agissait de remettre un membre d'émis, d'aider un petit être à venir au monde, de soigner un malade. Tinaïque Cornou était plus connue que les meilleurs médecins de Morlaix et on accourait de loin pour la consulter. Ah, ah !» Anne Guiznou approuva se souvenant. « En effet, on m'a dit qu'il n'y avait qu'en vous qu'on avait confiance. » Tinaïque riposta. « Ton père a pu te l'apprendre. Je l'ai soigné et guéri il y a... Oh, tu n'étais pas née. C'est des temps d'autrefois. » Mais elle se pencha de nouveau sur la tombe. « Et celui-là, donc ? Mais lui, s'il a fait du mal aux autres, à moi il ne m'a fait que du bien, et je suis reconnaissante, je n'oublie jamais, Antoine Guiznou. » Sa curiosité la reprenant, elle questionna. « Est-ce ton père, repentant de sa dureté trop violente tout de même, qui t'a envoyé ici ? Il aurait donc eu pitié, enfin ? Son frère, son propre frère, autrefois adoré. » Il aurait pu être moins sévère pour lui que les autres, surtout après ses misères. » Troublée, la jeune fille balbutia, ne pouvant laisser croire ce qui n'était pas. « Mon père ignore. Moi-même, je ne savais pas. Ce n'est pas moi qui les ai enlevées, ces herbes, Tinaïque. Jamais je n'étais venue là. » La vieille eut un sursaut. De la défiance ombra ses prunelles. « Ah ! Qui donc, alors ? Quel est l'être béni du ciel qui a fait cela ? Qui a osé être pitoyable au maudit ? » Anne allait répondre. Une sorte de pudeur arrêta le nom du corsaire sur ses lèvres. Elle murmura « Je ne sais pas, des étrangers tout à l'heure semblant chercher. J'ai voulu voir à mon tour et... » « Et tu t'es trouvée face à face avec ton oncle, avec Antoine Guiznou. C'est le destin qui le veut sans doute. Ah, tu ne sais pas. Eh bien, reine en sabots, écoute-moi. Je vais te conter une histoire, une belle histoire qui s'est passée il y a longtemps, avant toi. Tu naissais à la vie. Ah ah, la belle histoire, petite, il faut que tu la saches. Tout le bien et le mal, tant de mal. Ah, il y en a eu, ça c'est vrai. » Et courbée sur sa béquille, avec des gestes qui semblaient une incantation magique, Tinaïque Cornou, de sa vieille voix que l'émotion, la colère, l'ironie faisait de plus en plus chevrotter, aida l'ombre d'Antoine Guiznou à sortir de cette tombe sur laquelle elle semblait accomplir quelques rites mystérieux pour arracher le mort à son sépulcre.